Écrivain, dramaturge, biographe, Stefan Zweig, né en 1881 à Vienne, a fui le nazisme et s'est exilé à Londres dès 1934, puis au Brésil en 1941. Il commence alors la rédaction du Monde d'hier, souvenir d'un Européen. Livre nostalgique, testament d'un monde qui n'est plus, témoignage sidéré d'un homme qui reçoit de plein fouet ce qu'il appelle l'échec de la civilisation. Stefan Zweig se suicide en 1942. Le Monde d'hier sera publié en 1944. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, de Stefan Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Deuxième épisode, l'école du siècle passé. Il allait de soi qu'après l'école primaire, on m'enverrait au lycée. Dans toutes les familles fortunées, on tenait, ne fût-ce que dans l'intérêt des relations sociales, à avoir un fils cultivé. On leur faisait apprendre le français et l'anglais, on les initiait à la musique, on engageait d'abord des gouvernantes, puis des précepteurs chargés de leur enseigner les bonnes manières. Mais seule la formation académique, qui ouvrait les portes de l'université, conférait toute sa valeur à un jeune homme en ces temps de libéralisme éclairé. C'est pourquoi toute bonne famille avait l'ambition qu'un de ses fils au moins fît précéder son nom de quelques titres de docteur. Or, cette voie qui menait à l'université était assez longue et n'avait rien de rose. Pendant 5 années d'école primaire et 8 ans de lycée, il fallait passer 5 à 6 heures par jour sur les bancs de la classe, puis, une fois les cours terminés, faire ses devoirs. Et aussi, ce qu'exigeait la culture générale, apprendre le français, l'anglais et l'italien, à côté du latin et du grec qui s'enseignaient en classe. En tout, 5 langues, à quoi s'ajoutaient la géométrie et la physique, et toutes les autres disciplines scolaires. C'était plus que trop, et cela ne laissait presque aucune place pour les exercices corporels, les sports et les promenades, ni surtout pour les plaisirs et les divertissements. Je me rappelle confusément qu'à 7 ans, il nous avait fallu apprendre et chanter en chœur je ne sais plus quelle chanson où il était question du temps joyeux, du temps bienheureux de l'enfance. J'ai encore à l'oreille la mélodie de cette chanson à la simplicité un peu niaise, mais à l'époque, déjà, les paroles avaient peine à franchir mes lèvres et surtout à pénétrer mon cœur de conviction. Car, pour être franc, toute ma scolarité ne fut pour moi qu'ennui et dégoût, accru d'année en année par l'impatience d'échapper à ce bagne. Je ne puis me souvenir d'avoir jamais été joyeux ou bienheureux au cours de cette activité scolaire monotone, sans cœur et sans esprit, qui nous empoisonnait complètement la plus belle, la plus libre époque de notre existence. Et j'avoue même que je ne puis me défendre aujourd'hui encore d'une certaine envie, quand je vois combien l'enfance peut se développer plus heureusement, plus librement dans ce siècle-ci. Il serait erroné de croire que ce déplaisir que je prenais à l'école m'était personnel. Je ne puis me souvenir d'aucun de mes camarades qui n'eût senti avec répugnance que, dans ce bagne, les meilleures de nos curiosités et de nos intentions étaient entravées, réprimées, étouffées par l'ennui. Mais c'est seulement beaucoup plus tard que je pris conscience que cette méthode d'éducation sans amour et sans âme n'était pas imputable, par exemple, à la négligence des pouvoirs publics, mais qu'il s'y exprimait bien plutôt une intention déterminée, encore que soigneusement dissimulée. Réglant toutes ses pensées sur le seul fétiche de la sécurité, le monde qui nous a précédés, et qui alors nous dominait, n'aimait pas la jeunesse, ou plus encore, nourrissait à son égard une perpétuelle défiance. L'Autriche était un vieil empire régi par un vieillard, gouverné par de vieux ministres, un État qui, sans ambition, espérait uniquement se maintenir intact dans l'espace européen de tout changement radical. Les jeunes gens, puisque d'instinct ils souhaitent toujours des transformations rapides et radicales, passaient pour un élément suspect, à l'écart et dans une position subalterne. Ainsi, l'on n'avait point de raison de nous rendre agréables nos années d'école. Nous devions mériter d'abord, du fait de ce freinage permanent, par une attente patiente, les divers âges de la vie qui prenaient une toute autre valeur qu'aujourd'hui. Un lycéen de 18 ans était traité comme un enfant. On le punissait quand il était surpris une cigarette aux lèvres. Il lui fallait docilement lever la main s'il voulait quitter son banc pour satisfaire un besoin naturel. Et on considérait encore un homme de 30 ans comme un être incapable de voler de ses propres ailes. Même un quadragénaire n'était pas jugé assez mûr pour un poste comportant des responsabilités. Quand un jour il se produisit une exception inouïe, et qu'à 38 ans, Gustave Mahler fut nommé directeur de l'Opéra impérial, un murmure d'étonnement et d'effroi parcourut tout Vienne. Comment pouvait-on confier à un si jeune homme la première institution artistique de la ville? On oubliait que Mozart avait accompli l'œuvre de sa vie à 36 ans, Schubert à 31. Seul ce singulier esprit explique que l'État exploita l'école comme un moyen d'assurer son autorité. Notre éducation devait tendre avant tout à nous faire respecter l'ordre existant comme le plus parfait, l'opinion du maître comme infaillible, la parole des pères comme irréfutable, et les institutions de l'État comme une valeur absolue et éternelle. Une deuxième maxime fondamentale de cette pédagogie, qu'on appliquait aussi dans la famille, était que les jeunes gens ne doivent pas avoir la vie trop facile. De mon temps, on appliquait dès la plus tendre enfance une absurde méthode d'intimidation. Des servantes et des mères stupides effrayaient des enfants de 3 ou 4 ans en les menaçant d'aller chercher le gendarme s'ils ne cessaient pas aussitôt d'être méchants. Quand, déjà au lycée, nous avions rapporté à la maison une mauvaise note dans quelques matières secondaires, on nous menaçait encore de nous retirer de l'école et de nous mettre en apprentissage pour nous faire apprendre un métier manuel. La pire menace qu'on pût formuler dans le monde bourgeois, celle d'une déchéance, d'un retour au prolétariat. Et quand des jeunes gens sincèrement désireux de se cultiver cherchaient auprès des adultes des éclaircissements sur de graves problèmes d'actualité, on les rabrouait par un hautain « Tu ne comprends pas encore ces choses ». Partout on usait de cette tactique, à la maison, à l'école et dans l'État. On ne se lassait jamais de répéter au jeune homme qu'il n'était pas encore mûr, qu'il ne comprenait rien, qu'il n'avait qu'à écouter et à croire sans jamais se mêler à la conversation ni surtout émettre de contradictions. En vertu de ce même principe, le pauvre diable de professeur installé en chaire devait demeurer une souche inabordable et réduire tous nos sentiments et toutes nos aspirations dans le cadre du plan d'études. Peu lui importait que nous nous sentions à l'aise ou non dans notre école. Selon l'esprit de ce temps, sa vraie mission n'était pas tant de nous faire progresser que de nous retenir, non pas de nous former de l'intérieur, mais de nous adapter, si possible sans résistance, à l'ordre établi. Non pas d'accroître nos énergies, mais de les discipliner et de les niveler. Un tel régime d'oppression psychologique, ou plutôt antipsychologique de la jeunesse, peut avoir deux effets opposés. Il peut paralyser ou au contraire stimuler. Combien de complexes d'infériorité a développé cette absurde méthode d'éducation? On peut s'en rendre compte en développant les actes des psychanalystes. Si ce complexe a été décelé justement par des hommes qui ont passé eux-mêmes par nos vieilles écoles autrichiennes, ce n'est peut-être pas un hasard. Quant à moi, je dois à cette oppression une passion de la liberté qui se manifesta de bonne heure, et telle que la jeunesse d'aujourd'hui ne peut plus guère l'éprouver avec la même véhémence, ainsi qu'une haine des manières autoritaires et du ton altier qui m'a accompagné durant toute mon existence. Notre amour refoulé du savoir, nos curiosités spirituelles et artistiques, notre avidité de jouissance qui ne trouvait nul aliment à l'école, se jetèrent donc avec passion au-devant de tout ce qui se produisait hors de l'école. Nous fûmes tout d'abord 2 ou 3 seulement à découvrir en nous cet intérêt pour les arts, la musique, la littérature, puis 12, et pour finir, presque tous subirent la contagion. Car il allait de soi que nous autres lycéens, nous nous pressions à toutes les premières. Comme nous aurions eu honte devant nos collègues plus heureux si le lendemain, à l'école, nous n'avions pas pu rendre compte de tous les détails. Nos professeurs, s'ils n'avaient pas été totalement indifférents, aurait dû être frappé du fait que tous les après-midi précédant une grande première, où nous devions faire la queue depuis 3 heures pour obtenir les places debout qui seules nous étaient accessibles, les 2/3 des élèves tombaient mystérieusement malades. S'ils y avaient prêté une stricte attention, ils auraient dû découvrir aussi que les poèmes de Rilke se cachaient sous la couverture de nos grammaires latines et que nous utilisions nos cahiers de mathématiques pour y copier les plus belles poésies que nous trouvions dans des livres empruntés. Chaque jour, nous inventions de nouvelles techniques pour consacrer à nos lectures les ennuyeuses heures de classe. Pendant que le maître débitait sa leçon ressassée sur la poésie naïve et sentimentale de Schiller, nous lisions sous nos pupitres Nietzsche et Strindberg, dont ce brave vieillard n'avait jamais entendu prononcer les noms. Le désir de connaître tout ce qui se produisait dans tous les domaines de l'art et de la science nous avait gagné comme une fièvre. L'après-midi, nous nous pressions parmi les étudiants de l'université pour assister aux cours. Nous pénétrions dans les amphithéâtres d'anatomie pour assister à des dissections. Nous fourrions notre nez partout avec une avide curiosité. Nous nous glissions aux répétitions de la philharmonique. Nous furetions chez les bouquinistes. Nous inspections tous les jours les vitrines des libraires afin de savoir aussitôt ce qui avait paru la veille. Et avant tout, nous lisions tout ce qui nous tombait entre les mains. Nous empruntions des livres dans les bibliothèques publiques. Nous nous prêtions mutuellement tout ce que nous dénichions. Mais le meilleur endroit pour nous instruire de toutes les nouveautés restait le café. Pour comprendre cela, on doit savoir que les cafés à Vienne constituent une institution d'un genre particulier qui ne peut se comparer à aucune autre au monde. Ce sont en quelque sorte des clubs démocratiques accessibles à tous pour le prix modique d'une tasse de café et où chaque hôte, en échange de cette petite obole, peut rester assis pendant des heures, discuter, écrire, jouer aux cartes, recevoir sa correspondance et surtout consommer un nombre illimité de journaux et de revues. Dans un bon café de Vienne, on trouvait non seulement tous les journaux viennois, mais aussi ceux de tout l'Empire allemand, les Français, les Anglais, les Italiens et les Américains, et en outre les plus importantes revues d'art et de littérature du monde entier. Le Mercure de France, aussi bien que la Neue Rundschau, le Studio et le Burlington Magazine. Ainsi, nous savions tout ce qui se passait dans le monde de première main. Nous étions informés de tous les livres qui paraissaient, de toutes les représentations en quelque lieu que ce fût, et nous comparions entre elles les critiques de tous les journaux. Rien n'a peut-être autant contribué à la mobilité intellectuelle et à l'orientation internationale de l'Autrichien que cette facilité qu'il avait de se repérer aussi complètement au café dans les événements mondiaux tout en discutant dans un cercle d'amis. Chaque jour, nous y passions des heures et rien ne nous échappait. Car grâce au caractère collectif de nos intérêts, nous suivions l'orbis pictus des événements artistiques, non pas avec une paire, mais avec 10 ou 20 paires d'yeux. À 17 ans, non seulement je connaissais tous les poèmes de Baudelaire ou de Walt Whitman, mais j'en savais par cœur des plus remarquables. Et je crois qu'au cours de toute mon existence ultérieure, je n'ai plus jamais lu de façon aussi intensive que durant ces années de lycée et d'université. Des noms nous étaient parfaitement familiers qui ne devaient être célèbres que 10 ans plus tard. Même le plus éphémère persistait dans notre mémoire parce que nous l'avions appréhendé avec une telle ardeur. Je racontais un jour à mon ami vénéré Paul Valéry à quel point était ancienne ma conscience de son œuvre littéraire, que 30 ans auparavant, j'avais lu et aimé des vers de lui. Valéry se mit à rire avec bonhomie. « N'essayez pas de m'en faire accroire, mon cher ami. Mes poèmes n'ont paru qu'en 1916. » Mais ensuite, il fut bien surpris quand je lui décrivis très exactement et le format et la couleur de la petite revue littéraire où nous avions découvert en 1898, à Vienne, ses premiers vers. « Mais c'est à peine si quelqu'un à Paris la connaissait. Comment avez-vous pu vous la procurer à Vienne ?» s'étonna-t-il. Je pus lui répondre. exactement de la même manière que vous vous êtes procuré, quand vous étiez lycéen dans votre ville de province, les poèmes de Mallarmé que la littérature officielle connaissait tout aussi peu. Il approuva. La jeunesse découvre ses poètes parce qu'elle veut les découvrir. Or, c'est à Vienne, justement, que vivait l'esprit le plus vigilant de la jeune génération allemande, Hermann Bahr, qui se battait furieusement, en vrai bretteur spirituel, pour tout ce qui venait et advenait de plus neuf. Grâce à son aide, s'ouvrit à Vienne la sécession qui, à l'effarement de la vieille école, exposa les impressionnistes et les pointillistes de Paris, Munch le Norvégien, Rops le Belge, Grunewald, Le Greco et Goya. On apprenait soudain une folle façon de voir, et en même temps, en musique, grâce à Moussorgsky, à Debussy, Strauss et Schoenberg, des rythmes et des timbres nouveaux. Le réalisme faisait irruption dans la littérature avec Zola, Strindberg et Hauptmann. Le démonisme slave avec Dostoïevski. Une sublimation et un raffinement du verbe poétique jusqu'alors inconnu avec Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. Nietzsche révolutionnait la philosophie. Une architecture plus audacieuse et plus libre proclamait, au lieu de la surcharge classique, les vertus de la construction fonctionnelle sans ornement. Soudain, le vieil ordre confortable était troublé. Ces normes du beau esthétique, Hans Lick, qui jusque-là passaient pour infaillibles, étaient remises en question. Et tandis que les critiques officielles de nos journaux bourgeois sérieux s'effrayaient des expériences souvent téméraires et cherchaient à endiguer le flot irrésistible en lui jetant l'anathème aux cris de décadence ou d'anarchisme, nous, les jeunes, nous nous précipitions avec enthousiasme dans son déferlement où il écumait le plus sauvagement. Nous avions le sentiment qu'une époque se levait pour nous, notre époque, où notre jeunesse allait enfin conquérir ses droits. Ainsi, notre quête passionnée, notre recherche turbulente prenait tout à coup un sens. Nous, les jeunes, sur nos bancs d'école, pouvions participer à ces combats furieux et souvent enragés pour l'art nouveau. Balzac a exposé de façon incomparable comment l'exemple de Napoléon a, en France, galvanisé toute une génération. Pour lui, l'ascension éblouissante du petit lieutenant Bonaparte, devenu empereur du monde, ne signifiait pas seulement le triomphe d'une personne, mais une victoire de l'idée de jeunesse. Il n'était pas indispensable d'être né prince pour accéder de bonne heure à la puissance. On pouvait être issu de n'importe quelle famille modeste, voire pauvre, et général à 24 ans, à 30 ans souverain de la France et bientôt du monde entier. Ce succès unique arracha des centaines de jeunes gens à leur petit métier et à leur petite ville de province. Le lieutenant Bonaparte échauffa les têtes de toute une jeunesse. Il inspira une plus haute ambition. Il créa les généraux de la grande armée ainsi que les héros et les arrivistes de la comédie humaine. Un jeune homme qui, seul dans quelque domaine que ce soit, atteint d'un premier élan ce qui jusque-là était resté inaccessible, enhardit toujours, du seul fait de son succès, toute la jeunesse autour de lui et après lui. En ce sens, Hofmannsthal et Rilke représentaient pour nous, leurs cadets, un extraordinaire excitant de nos énergies encore en fermentation. Sans espérer qu'un d'entre nous pût jamais répéter le miracle de Hofmannsthal, nous étions pourtant affermis par sa simple existence physique. Elle constituait la preuve visible que dans notre temps, dans notre ville, dans notre milieu, le poète était possible. Hofmannsthal nous démontrait en quelque sorte ad oculos qu'il était possible en principe de créer de la poésie, et de la poésie parfaite, même à notre époque, même dans l'atmosphère de geôle d'un lycée autrichien. Il était possible même, séduction inouïe pour une âme en fleur, d'être déjà loué, déjà célébré, alors qu'à la maison et à l'école, on passait encore pour un être inachevé et insignifiant. Rilke, de son côté, nous offrait un encouragement d'une autre sorte, qui complétait celui de Hofmannsthal d'une manière apaisante. Car même le plus téméraire d'entre nous aurait trouvé blasphématoire de prétendre rivaliser avec Hofmannsthal. Nous le savions. Il était un miracle unique de perfection précoce qui ne pouvait se renouveler. Et quand à 16 ans nous comparions nos vers avec ceux si célèbres qu'il avait écrits au même âge, nous en étions effrayés et emplis de honte. Rilke avait, lui aussi, commencé tôt, à 17 ans, à écrire et à publier des vers. Mais ses premiers vers de Rilke étaient, comparés à ceux de Hofmannsthal et même dans l'absolu, immatures, enfantins et naïfs. Ce n'est que peu à peu, vers 22 ou 23 ans, que ce poète merveilleux que nous aimions au-delà de toute mesure avait commencé à affirmer sa personnalité. Cela représentait pour nous une grande consolation. Il n'était donc pas indispensable de parvenir à la perfection accomplie dès le lycée, comme Hofmannsthal. On pouvait, comme Rilke, tâtonner, essayer, se former, progresser. Il ne fallait pas renoncer aussitôt si l'on produisait pour l'instant des pages insuffisantes, manquant de maturité et dont on ne pouvait répondre. On pouvait peut-être espérer renouveler en soi, à défaut du miracle de Hofmannsthal, l'ascension plus paisible, plus normale de Rilke. Cette peinture véritablement fidèle de notre précocité littéraire pourrait induire le lecteur à conclure que nous étions une classe de petits prodiges tout à fait particulière. Il n'en était rien. Dans une douzaine d'écoles voisines à Vienne, on pouvait alors observer le même phénomène. Un pareil fanatisme et une égale précocité de don. Cela ne pouvait être un hasard. C'était une atmosphère particulièrement propice, déterminée par l'humus artistique de la cité, l'époque apolitique, la constellation excitante des nouvelles tendances spirituelles et littéraires au début du siècle, qui se combinait en nous avec la volonté immanente qui appartient en fait presque nécessairement à cet âge. Le véritable événement de nos années de jeunesse, c'est que quelque chose de nouveau se préparait dans l'art, quelque chose de plus passionné, de plus problématique, de plus aventureux que ce qui avait satisfait nos parents et notre entourage. Cependant, fascinés par ce seul secteur de l'existence, nous ne remarquions pas que ces changements dans le domaine de l'esthétique n'étaient que les émanations et les signes avant-coureurs de transformations beaucoup plus amples qui allaient ébranler et finalement anéantir le monde de nos pères, le monde de la sécurité. Un singulier bouleversement commençait à se préparer dans notre bonne vieille Autriche somnolente. Les masses qui, soumises et silencieuses, avaient laissé durant des lustres le pouvoir à la bourgeoisie libérale, se mirent soudain à s'agiter, s'organisèrent et revendiquèrent leurs droits. C'est justement durant la dernière décennie du siècle que la politique fit irruption par de violents et brusques coups de vent dans le calme plat de l'existence confortable. Le siècle nouveau réclamait un ordre nouveau, des temps nouveaux. C'était « Le monde d'hier, journal d'un Européen » de Stéphane Zweig. Extrait. Page choisie par Florence Lecor et lue par Guy Chapelier. Traduction, Serge Niemetz. Deuxième épisode, l'école du siècle passé. Prise de son, Stéphane Desmond. Assistance technique et montage, Emmanuel Armingue. Mixage, Claire Levasseur. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Étienne Vallès. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Le Monde d'hier, journal d'un Européen, est publié aux éditions Belfond.